Vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89,1 et nous finissons l'émission avec Christiane Dupont. Bonjour Christiane. Bonjour Valérie. Et Christiane qui va nous emmener dans le Grand Nord québécois. Et oui, parce qu'à Futur Simple, nous aussi, on a un plan Nord. Alors, on va y aller maintenant. Donc, tu vas nous parler des endroits où il y a de la vie dans le Grand Nord, en particulier les endroits où il y a de l'eau. Souvent, quand il y a de la vie, il y a de l'eau. Oui. Où est-ce qu'on trouve de l'eau? Ben, dans les mares et les tourbières. Oui, voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe dans la toundra, la vie oui, de la toundra? Exactement. Alors, la toundra, c'est un mot qu'on entend souvent au Québec. Il y a une grande superficie de la province du Québec et du Canada, du pays, et bon, de plusieurs pays, qui est recouvert par la toundra. Mais qu'est-ce qu'une toundra, oui, exactement? C'est pas si clair que ça. Eh bien, le mot toundra est un mot emprunté au russe, qui lui-même est emprunté au langage samé. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est sibérien, je crois. Donc, il désigne une formation végétale circumpolaire. Circumpolaire, donc, on veut dire autour du pôle Nord. Ouais. Donc, on a beaucoup la Russie, évidemment, parce que la Russie est très, très, très grande. Canada, un peu la Scandinavie, l'Alaska. C'est pas mal là qu'on retrouve la toundra. Elle forme un cercle autour du pôle qui est environ plus de 8 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est à peu près 6 % des terres émergées du globe. Mm-hmm. C'est quand même une bonne proportion. C'est quand même une bonne proportion pour un écosystème qui n'est pas très connu, que personne ne voit jamais ou presque, on s'entend. Ouais. Et de par le fait même, il n'y a pas vraiment l'équivalent à l'hémisphère sud, parce que bon, il y a juste l'Antarctique qui est plus extrême, qui est plus froid. Il est tellement au sud que c'est de la glace. Et puis le reste, à la latitude semblable, il n'y a pas de terre émergée. Juste à l'Amérique du Sud, mais il y en a si peu dans la terre de feu. C'est pas significatif. Ouais. Donc, la toundra, bon, voilà, c'est une zone où l'on rencontre des pergélisols. On peut dire aussi que c'est au-dessus, en gros, de la limite des arbres, oui, en fait. Oui, au-dessus de la limite des arbres. Quand il y a la forêt boréale, les conifères là, qui viennent toucher Tiche. Ils deviennent tout rabougris. Ceux qui ont l'air malades, ils ne sont pas. Oui, c'est ça. Puis après, on tombe au-dessus de la limite des arbres. Oui. Et là, on commence à être dans la toundra. Oui, exactement. Okay. La toundra, il y a des sous-écosystèmes. On n'ira pas trop loin dans la nomenclature. Et puis ça, la limite change. Pardon. La limite change beaucoup. Par exemple, au Québec, la ligne des arbres est assez basse. C'est-à-dire que la toundra commence relativement bas dans la latitude à cause de notre climat. Et si on va à l'ouest, par exemple, du pays, vers le Yukon, mais il y a des arbres à une latitude qui est beaucoup plus élevée. Alors, la toundra ne commence pas nécessairement au même degré de latitude partout sur Terre. Et c'est une zone, comme je disais, où il y a des pergélisols. Pergélisols, ou parfois même en français, on voit permafrost, qui est vraiment un anglicisme, pour dire sol qui est gelé en permanence. Ouais. Selon les définitions, pergélisol doit être gelé pendant 2 ans consécutifs. Mm-hmm. 2 années consécutives, mais ça ne... n'exclut pas le fait qu'il peut avoir un dégel en surface du sol, ce qui est très important. Vous allez voir pourquoi un peu plus loin. Donc, ce sont des sols. La toundra, ça a l'air un peu pas de la planète Mars, je suis jamais allée sur Mars, mais c'est très dénudé. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Il n'y a pas vraiment de sol, il n'y a pas de terre. Beaucoup, c'est très, très, très mince. Il y a beaucoup de roches. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de matière organique qui se décompose, il n'y a rien qui tombe. Il n'y a pas de feuilles mortes, il n'y a pas d'humus. Donc, le sol est très, très, très fin. Puis, il y a très peu de matière organique. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps à avoir de l'accumulation. Oui, à pousser. Voilà. Et puis, il y a un autre mot qu'on entend parfois, c'est tourbière. Donc là, il y en a de la matière organique. Oui, là, il y en a de la matière organique, mais encore là, c'est très intéressant. La tourbière, qui est d'ailleurs exploitée parfois, les jardiniers, la mousse de tourbe, ça vient des tourbières également. Une tourbière, c'est une zone humide que l'on retrouve dans le nord, dans la toundra par exemple, qui est caractérisée par une accumulation progressive de la tourbe. La tourbe qui est différentes espèces végétales. Mais ça s'accumule d'une manière très, très lente. Il y a beaucoup de matière organique. Le sol est très acide. Mm-hmm. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà visité une tourbière, mais quand on marche, c'est très spongieux. C'est comme marcher sur une éponge. Hein? Mm-hmm. Oui. Donc, c'est plus... Il y a beaucoup d'eau, hein, dedans. Oui. Mm-hmm. Il peut avoir plusieurs mètres d'épais. Et puis, c'est très acide. Et puis, ces mètres d'accumulation-là, ça a pris plusieurs centaines, voire milliers d'années à s'accumuler. Donc là, tu nous as fait un peu un portrait. Là, on essaie de se représenter le paysage. Oui. Mais j'imagine qu'il y a un intérêt scientifique. Oui, évidemment. À première vue, comme ça, on pourrait croire, on ne sait pas, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas beaucoup d'animaux. Il y a des animaux, mais bon, ce n'est pas quelque chose qui semble à l'œil très dynamique. Là, on est loin de la forêt tropicale. Oui. Mais au fil des millénaires, les tourbières nordiques qui recouvre à elle seule 9 à 12 % du territoire, parce qu'il y a des tourbières qui ne sont pas dans la toundra également. On en trouve en périphérie de Québec, d'ailleurs, si ça vous intéresse, les tourbières de la Grande Plaie Bleue, qui sont juste sur la rive sud de Québec. Tapez ça sur Internet, c'est très intéressant. On peut aller visiter. On apprend des choses ce soir. Oui, oui, oui. Il y a des tourbières dans le sud également. Donc, 9 à 12 % du territoire peut être recouvert par les tourbières. Et cette matière organique, bon, comme je disais, c'est accumulé au fil des siècles en plusieurs couches. Et cet amas de matière organique reste emprisonné, dans le cas de la toundra, dans du sol gelé. Hein? Donc, une tourbière dans la toundra est gelée. Puis, elle dégèle seulement en surface. D'ailleurs, intéressant, de par leur acidité qui est très particulière, il y a très peu de décomposition qui se passe dans les tourbières. Donc, c'est le pire endroit pour enterrer un cadavre, par exemple, parce qu'il ne se décomposera pas. Ah, on ne peut pas le cacher. Non, si vous avez un cadavre à cacher, là, pas l'enterrer dans une tourbière, quelqu'un va le retrouver intact. D'ailleurs, il y a des momies qu'on a retrouvées vieilles de 3500 ans avec des traits, les traits du visage très bien conservés avec la peau et tout ça. Il y a les momies des tourbières, très intéressant aussi à aller voir. C'est vraiment un endroit où il y a des vestiges très, très vieux qui sont très, très bien conservés dans les tourbières. Et ça, c'est parce que l'activité bactérienne est très réduite en raison du froid? Elle est réduite en raison du froid, en raison de la grande acidité. Et puis, il n'y a pas vraiment d'oxygène. Non, rapidement, quand il y a de l'eau, rapidement, c'est anoxique. Donc, les processus sont très lents et sont gelés. Donc, c'est vraiment un endroit particulier. Les tourbières nordiques sont un écosystème particulier également scientifiquement parce que, de par leur nature, elles sont susceptibles de dégager beaucoup de gaz à effet de serre. Mm-hmm. Parce qu'on vient d'expliquer, beaucoup de matières organiques sont ensevelies, qui sont coincées dans le sol. Et puis, si le sol dégèle, bien là, ça va réenclencher toute l'activité là, qui est gelée. En ce moment, c'est comme le statu quo. Ça ne rentre pas dans les bilans, ça ne va pas dans l'atmosphère, tout est beau. Et puis, il y a un réchauffement qui arrive. Et puis donc, ça peut potentiellement remettre dans l'atmosphère beaucoup plus de gaz à effet de serre. Et comme tu le disais tout à l'heure, comme c'est en milieu anoxique, il n'y a probablement pas d'oxygène, donc c'est probablement sur de méthane plutôt que sur de CO2. Oui, il y a du méthane, exactement. Donc, c'est 21 fois plus... potentiel que CO2. Oui, en tant que gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment... c'est scientifiquement très intéressant. Oh, c'est pas la même chose. Donc, Oh! Ça va vraiment pas dans mes affaires. Donc, mais dans le Grand Nord, tu disais, le sol est gelé à l'année? À l'année, oui, mais comme je disais... Durant l'été, durant l'été arctique, il peut y avoir une fonte partielle d'hypergélisol. Bon, parce qu'il fait soleil presque tout le temps. Il peut quand même faire relativement chaud dans l'été arctique. Au-dessus de 20-25 degrés, c'est très, très possible. Mm-hmm. Donc, la couche supérieure du sol dégèle plus ou moins. Et par exemple, oui, elle va dégeler. Et puis, depuis les dernières décennies, il y a plusieurs régions du globe où on a vraiment noté un réchauffement. Bon, je pense qu'on n'apprend rien de nouveau avec le réchauffement climatique, là. Mais il y a vraiment réellement des sols où le dégel pendant l'été est plus profond, une plus longue période, sur des plus grandes surfaces. Donc, il y a vraiment un patron de dégel qui est différent. Et cette détérioration locale du pergélisol, entre guillemets, va causer un affaissement du sol, parce que l'eau gelée, c'est de la glace, c'est de la structure. Ouais. Si on fait dégeler, pouf, selon la nature du sol, ça peut vraiment s'affaisser et faire des petites cavités. Mm-hmm. Ces cavités-là vont se remplir d'eau. La glace devient de l'eau. Mm-hmm. Et ce phénomène-là est très, très, très répandu et ça apporte un nom. Ces petites mares d'eau-là qui apparaissent, on appelle ça des mares de thermokarst. C'est un nom un peu exotique. Ouais. Mais si on décompose le mot, c'est pas si pire. Thermo veut dire chaleur. Et karst veut dire dépression. Mm. Donc on trouve bien c'est la dépression qui se forme à cause de la chaleur. C'est ça. Parce que, le sol dégèle, donc finalement, prend moins de place. Là. Lui qui était gonflé, il s'attarde sur lui-même. Et l'eau qui était là, elle est toujours là. Sauf qu'au lieu d'être de la glace, c'est de l'eau. Exactement. Et puis, ça fait souvent ces petites mares rondes. Et il y en a plusieurs centaines, voire des milliers qui dans un amas. Une mosaïque, finalement. Une mosaïque, souvent, c'est le cas parce que c'est une zone complète où le sol fond. Et puis, quand on survole ça en avion, en hélicoptère, on voit très, très bien les patterns. Et puis, il y en a énormément dans plusieurs régions du monde, d'ailleurs. C'est un phénomène très peu connu parce que personne n'habite proche de là. C'est vraiment pas quelque chose qu'on peut aller voir à pied. Mm-hmm. C'est vraiment un phénomène. Mais les tourbières les tourbières bleues, là, la grande pierre bleue, mais il n'y a pas la place. Non, parce que d'ici, le sol n'est pas gelé, ouais. Malgré qu'aujourd'hui, on pourrait croire que le sol est très gelé, mais ça ne l'est pas tant que ça, finalement. Donc, ça, il y a beaucoup de ces mares-là dans le monde. Ils font partie intégrante du paysage nordique depuis toujours, d'ailleurs. Ce n'est pas juste à cause du réchauffement climatique que ces mares-là existent. Ces mares-là ont une vie, une mort. On est dans une période, avec le réchauffement qu'on connaît, où il y a plus en plus de mares qui apparaissent. Mais en même temps, il y a toujours des mares qui disparaissent. Parce que une fois que le sol est vraiment dégelé, là, complètement dégelé en profondeur, bien, l'eau, elle va finir par se drainer. Ah oui. Et puis les mares vont s'assécher. Ah oui. Et la végétation va finir par reprendre le dessus. Oui. Et pouf, il n'y a plus de mares. Donc, on peut voir dans des zones assez rapprochées, des mares de différents âges, hein, des jeunes mares, des mares qui disparaissent, des mares qu'on a. On voit juste la trace ronde, mais on voit qu'il n'y a plus d'eau dedans. Donc, il y a toute une dynamique, finalement. Exactement. Donc, la plupart des mares sont circulaires, ont un diamètre d'environ 4 à 15 mètres. C'est assez variable. Ils peuvent se fusionner ensemble. Bon, il y a toutes sortes de possibilités. Mais elles sont rarement profondes, environ 1 à 3 mètres de profondeur. Et puis, c'est ce qui est intéressant souvent, c'est l'aspect visuel. Parce que là, on décrit ça comme ça, une mare d'eau. Mais souvent, ils ont des couleurs fascinantes de par les matières en suspension qu'il y a dans l'eau, de l'argile. Elles ont une couleur, elles peuvent être vertes, verte pâle, elles peuvent être blanches, elles peuvent être brunes foncées. Tout ça à cause de la matière qu'il y a dans l'eau. Mm-hmm. C'est vraiment fascinant à voir. Elles n'ont pas toutes les mêmes? Non, c'est vraiment fascinant à voir. C'est très laiteux souvent, de par le fond, à cause de l'argile qui est remise en suspension. Donc, on en a des belles vertes pâles. Ça ressemble un peu à du lait, parfois. Mais est-ce qu'elles jouent un rôle dans l'écosystème nordique? Oui, elles jouent un rôle parce qu'elles foisonnent d'une vie microbienne qui est assez méconnue encore. Parce que, bon, mare d'eau, soleil, chaleur pendant l'été, puis il y a quand même beaucoup de matière organique proche. Okay. Donc, il y a beaucoup de bactéries qu'on retrouve, dont les archéobactéries. Archéo veut dire vieux, les vieilles bactéries qui sont très, très vieilles, mais ça fait pas très longtemps qu'on connaît l'existence des archéobactéries, peut-être 35-40 ans maximum. Pourtant, c'est l'essence. C'est les toutes premières, on les a découvertes en dernier. C'est l'essence de la vie. Et on peut les reconnaître, c'est ça qui m'étonne, on peut les reconnaître, des bactéries. Oui, c'est vraiment un embranchement particulier, là, je peux pas m'en aller trop loin là-dedans. Elles ont peut-être des mécanismes plus... Elles n'ont peut-être pas de noyaux. Non, et puis elles sont ultra résistantes souvent à des conditions très particulières. Et les archéobactéries, justement, n'ont pas besoin nécessairement d'oxygène pour vivre. Ah. Donc, elles peuvent vivre dans le fond de ces mares-là. Et les archéobactéries peuvent produire du méthane. Donc, dans le fond des mares, en surface de l'eau, il peut y avoir de l'oxygène, mais rapidement, vu que ce n'est pas un lac, ce n'est pas une rivière, il n'y a pas d'apport d'eau, l'eau est très stagnante. Alors, l'eau dans le fond des mares, pas de lumière, pas d'oxygène. Donc, c'est une flore bactérienne très particulière qui vit là et qui peut être potentiellement un catalyseur pour mettre dans l'atmosphère du méthane et du gaz carbonique. Donc, c'est vraiment... une étude, mon projet de maîtrise, je suis allée voir ça. Et puis, souvent, la superficie, la surface de l'eau, la première couche, était très sursaturée en gaz carbonique, dont elles émettaient beaucoup de gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc, si on quantifie à grande échelle du globe la présence de ces mares-là, avec une dynamique, cet influx-là, cet apport-là dans le bilan global du carbone n'est pas très connu. Oui, parce que finalement, il y en a toujours, mais vu de ces mares-là, mais vu qu'il y en a de plus en plus, ça veut dire que la surface d'eau qui est riche en CO2 augmente. En même temps, il faut connaître aussi probablement, peut-être qu'avec le réchauffement, il y en a de plus en plus qui disparaissent ailleurs. C'est quelque chose qui est difficile à quantifier. Ouais. Ça implique de faire beaucoup de survol, j'imagine, avec des images satellites. C'est le meilleur moyen de connaître la dynamique, qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui disparaît. Donc, parce que quand une mare s'assèche, elle devient un puits à CO2 puisque c'est de la végétation qui utilise le CO2. Ouais. Donc, une mare est comme une période temporaire où quand elle est remplie d'eau, elle est émettrice de gaz à effet de serre. Et puis quand elle meurt, bien, elle va devenir un puits. Donc, c'est toute une dynamique très intéressante et très peu connue. Puis j'imagine que dans ces mares, il y a des bactéries, mais il n'y a peut-être pas que ça. Il y a du phytoplancton, c'est du petit algues, du petit gazon de l'eau, entre guillemets. Il y a pas de poissons, il n'y a, pas énormément de vie à grande échelle des insectes, certainement. Oui, c'est ça. De... Vous avez peut-être des sortes de petits crustacés. Oui, probablement des petits vers, tout ça, mais rien, on ne verra pas de poissons. Non, parce que c'est hermétique. Là. Donc, puis l'eau est très opaque, donc c'est pas très accueillant, j'imagine. Les espèces classiques qu'on voit dans les lacs, là, moi, je ne me baignerai pas dedans. Non. De toute façon, peut-être que c'est un peu froid aussi. C'est un peu froid, puis il y a tellement de mouches noires que c'est pas possible. Bien, merci beaucoup, Christiane, pour cette visite du Grand Nord, finalement. Cette visite des thermokarstes, on va retenir le nom, les thermokarstes. On va l'air intelligent. Merci beaucoup. Merci.